Leçon 7A. Les copains de la rue Daguerre. Voilà une lettre de Julien à son copain Laurent. Laurent Pennec, 17 rue de Saint-Malo, 35 000, Rennes. Paris, le 2 février. Cher Laurent, merci pour ta lettre. Je suis là depuis 5 mois déjà. Je vais très bien. Paris, c'est extra. Et j'ai des copains et des copines sympas. Luc, Nathalie, Yasmina, Ahmed, Julie et François. Ils vont au collège avec moi. Luc est le sportif du groupe. Après l'école, il fait du sport. Il ne perd pas une minute. Il joue au foot ou il fait du patin roulette. Mais sa passion, ce sont les sucreries. Le cadeau des copains pour son anniversaire, un ballon de foot en chocolat. Nathalie est la sœur de Luc. Elle adore le foot, comme son frère. Ce n'est pas une fille, c'est un garçon, dit sa mère. Moi, je ne trouve pas. Quand nous allons chez Yasmina pour demander, on fait un tour ? Elle a toujours la tête dans ses livres et elle répond : attendez, je termine la page. Mais Luc et Nathalie n'attendent pas toujours. Le frère de Yasmina s'appelle Ahmed. Les Saïds ont une épicerie et Ahmed aide souvent son père. Il rend aussi service aux copains et aux copines. Il passe ses devoirs d'anglais à tout le monde. Julie et moi, nous habitons dans la même maison. Elle écoute ses cassettes de rock et elle joue du piano. Julie ne parle pas beaucoup. Comme son amie Nathalie, elle est très sympa. François fait souvent le clown. C'est le clown de l'école. Qu'est-ce qu'on rigole avec François ? En ce moment, il ne va pas bien. Il est à l'hôpital avec une jambe dans le plâtre. Voilà pour aujourd'hui. Et toi, tu vas bien ? Réponds vite. J'attends des nouvelles des copains. Amicalement, Julien.